Ce jour, à l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du camarade Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le secrétaire général de la Fédération des Travailleurs Libanais, le président du comité cohésien pour la réunification de la Corée et le chef du service de l'éducation sociale et du comité angolais pour l'amitié et la solidarité avec les peuples ont publié respectivement un entretien. Ils ont indiqué que l'intégration de son Excellence Monsieur Kim Jong-il au comité central du parti était l'événement spectaculaire pour le développement du Parti du Travail de Corée et ont exalté ses exploits immortels pour l'édification du parti.